Radiomatique. Pour amorcer la transmission 369 d'Audiomatic, les sonoristes ont choisi de vous présenter la musique du projet parisien Flint Glass, mené par Gwen Trémorin. Nous entendions la pièce Dust Particles qui est parue sur l'album Hierakonpolis, dont la version CD comprend également le mini-album Dashur. Pour la suite d'Audiomatic, voici la collaboration entre l'artiste écossais Howie B et le groupe italien Casino Royale. À Audiomatic, il s'agissait de l'artiste allemand Chris Liebing et sa composition Patterns, sur laquelle collabore la chanteuse britannique Maria Uzor. Cette pièce est tirée du tout nouvel album de Chris Liebing intitulé Another Day et paru le 19 novembre dernier. Tout juste avant, nous avions droit au duo finlandais Headphonics, avec la pièce exclusive à la compilation Abstract Boundaries Volume 1 de l'étiquette de disque française Cinetics, soit la pièce Behind the Case. Et pour débuter, le groupe italien Casino Royale se faisait entendre avec la chanson Tutto, qui a ici été remaniée par Awibi en version dub. Cette version est tirée de l'album Not in the Face, Reale Dub Version, qui comprend les pièces de l'album Reale de Casino Royale, paru en 2006, remanié par Howie B. Audiomatic se poursuit maintenant sur la musique du groupe Cannes. We'll be right back.

À Audiomatic, cette longue séquence de deux pièces se terminait sur la musique du projet Harmonia, qui regroupe des membres des formations Cluster et Neu. Du deuxième album intitulé Deluxe, sorti en 1975, nous écoutions la pièce Walkie Talkie. Avant Harmonia, nous entendions le groupe Can et sa pièce Mother Sky tirée de l'album Soundtracks, sorti en 1970. Comme son nom l'indique, l'album Soundtracks regroupe des pièces composées par Can pour cinq trames sonores de films, dont Deep End, réalisé par Jerzy Skolimowski, pour lequel fut composée la pièce Mother Sky que nous avons écoutée. En conclusion de cette transmission 369 d'Audiomatic, nous avons décidé de vous offrir une pièce du groupe mexicain Artefacto. Nous entendrons sa composition Omoplato Reconstruido, qui se retrouve sur son deuxième album Desconstruction, lancé en 1993. Les sonoristes seront de retour en studio mercredi prochain dès 17h pour animer la transmission 370 d'Audiomatic. Ouais, c'est ça. D'ici là, il est toujours possible d'écouter nos anciennes transmissions en vous rendant sur nos profils facebook.com/audiomatic-cfou et mixcloud.com/audiomatic. Voici donc Artefacto et la chanson Omoplato Reconstruido. C'était Audiomatic avec les sonoristes.